La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. En novembre dernier, l'annonce de la naissance en Chine de deux jumelles génétiquement modifiées a suscité un tollé dans la communauté scientifique internationale et une condamnation quasi unanime. S'agit-il d'une nouvelle forme d'eugénisme avec la fabrication d'êtres humains à la carte ? Le médecin chinois à l'origine de cette première a été qualifié de docteur Frankenstein. Et cet exemple marque justement le problème éthique lié au développement des biotechnologies et à leurs applications. Et il y a une semaine, un groupe d'experts de 7 pays a appelé dans la revue Nature à un moratoire de 5 ans sur les techniques de modification du génome. Et puis lundi, c'est l'OMS qui se réunissait pour constituer un groupe d'experts afin de définir des règles de gouvernance et de surveillance des pratiques dans ce domaine. À la clé donc de nombreuses questions éthiques et des débats sans fin. La science et l'éthique, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités, les généticiens Catherine Bourguin et Axel Kahn. Et j'attends dès maintenant vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une initiative pour réduire l'impact de la recherche sur l'environnement, c'est notre une aujourd'hui. Oui, transformer la recherche et ses pratiques pour être à la hauteur de l'enjeu climatique, c'est l'objectif du collectif Labo 1.5. On reçoit ses fondateurs dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5, consacré ce soir à l'histoire de la Grande Muraille de Chine. Fanny Bouillon réalise l'émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Science et éthique, dossier donc dans un instant de l'émission. Et je salue Catherine Bourguin et Axel Kahn. Bonjour à vous deux. Bienvenue. Bonjour. Axel Kahn, vous publiez aux éditions de l'Aube L'éthique dans tous ses états. C'est un dialogue avec le journaliste Denis Laffey. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce mot éthique lorsqu'on parle de science exactement ? Oh, il faut mettre la même chose que quand on parle d'autre chose que de science. En réalité, l'éthique, c'est la réflexion sur la vie bonne et la valeur qui la fonde. Quand on l'applique au domaine scientifique, elle prend la forme d'une interrogation, un nouveau savoir, un nouveau pouvoir qui découle de l'avancée des sciences, permet d'agir sur l'homme, et l'on se demande si cette action est bien correcte, correspond à la vie bonne, c'est-à-dire en réalité, est bien en phase avec l'idée que l'on a des droits de l'homme. Mmh. Et quand on se trouve face à ce dilemme, souvent c'est effectivement un dilemme difficile, il y a plusieurs réponses possibles, et par conséquent, il faut que l'on soit capable, en raison de spécifier les valeurs qui fondent la décision que l'on a privilégiée. Mmh. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse des sciences ou bien d'autres domaines, l'éthique, quand on en parle, c'est cela. Mmh. Catherine Bourguin, c'est binaire l'éthique, c'est le bien et le mal ou pas ? Ben non, évidemment, comme vient de le dire Axel Kahn, ce sont toujours des questions compliquées. Il s'agit de bien identifier quels sont les enjeux, en fait, quelles sont les valeurs en tension, quelles sont les questions qui se posent, de détricoter un peu derrière des questions qui peuvent paraître très complexes et de mettre à plat pour avoir une décision en connaissance de cause en situation d'incertitude le plus souvent. Ouais, Axel Kahn, justement, les questions éthiques se posent particulièrement en science dans le domaine des biotechnologies ? Oh non, vous savez, le livre que j'ai écrit a la particularité de ne pas parler de l'éthique dans le domaine biologique et médical. Mmh. Pour une raison d'ailleurs qui m'est un peu personnelle, c'est que la bioéthique, comme l'on dit, moi j'ai commencé à m'y engager à corps perdu en 1988, et donc ça fait 35 ans, 30 et quelques années, que j'en mange matin, midi et soir et que j'en suis un peu écœuré. Mais ce problème de la vie bonne, il se pose dans tous les domaines. Et donc ici, c'est la réflexion sur l'éthique et la loi, l'éthique et la révolte, l'éthique et les métiers des armes, l'éthique et les armes autonomes, l'éthique et l'environnement, évidemment, l'éthique et la relation aux animaux, etc., etc. L'intelligence artificielle avec une forte focalisation naturellement sur l'intelligence artificielle. Catherine Bourguin, vous faites partie des scientifiques qui ont signé ce texte dans Nature la semaine dernière pour demander un moratoire de 5 ans sur les techniques donc de modification du génome. C'est le fameux CRISPR-Cas9, entre autres, parce que des CRISPR, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui a motivé ce texte de la part des chercheurs, puisque Emmanuelle Charpentier, qui est à l'origine quand même de cette technique, a signé elle aussi dans Nature. Il y a plusieurs éléments, mais je pense que fondamentalement, c'est le manque de réaction suffisamment nette de la communauté scientifique. Les positions qui ont été prises au sommet international qui a suivi n'ont pas appelé de façon suffisamment claire à l'interdiction pour le moment de ces modifications. Et donc, c'était aussi l'envie de marquer le coup en disant, mais il faut agir à court terme, vite, en attendant d'en savoir plus. Là, il y a une urgence et c'est cette idée d'un moratoire. Et très clairement, en réaction à l'affaire des jumelles OGM. Je pense que ça aurait pu être signé et appelé. D'ailleurs, ça l'a été, d'autres collègues l'ont fait avant. Mais là, il y a une espèce d'urgence créée par la situation. Ouais. Allez, on revient sur tous ces sujets, évidemment, dans un instant, avec les questions, les messages, les réactions des auditeurs qui nous rejoignent pour en parler sur franceinter.fr. Quand la recherche regarde son propre impact climatique, la une de la science en parle, oui, Axel Villard. Et ça donne le collectif Labo 1.5 en référence aux 1,5 degrés de réchauffement préconisés par le GIEC. Dans une tribune parue dans Le Monde mardi, ils invitent le monde académique à les rejoindre. De nombreux chercheurs ont déjà répondu pour réfléchir ensemble et construire une recherche qui réduit son impact environnemental et ses émissions de carbone. Nous recevons aujourd'hui les deux fondateurs du mouvement. Tamara Benhari, bonjour. Bonjour. Et Olivier Bernet, en direct des locaux de France Bleu à Toulouse, bonjour. Bonjour. Alors Tamara Benhari, vous êtes chargée de recherche à l'INRA en agronomie globale, et Olivier Bernet, vous êtes astrophysicien au CNRS à Toulouse. Alors rien ne vous destinait à première vue à discuter ensemble de ces enjeux, le climat et la recherche, l'impact sur l'environnement. Comment est né le collectif Labo 1.5 ? Eh bien, c'est né de réflexions, de discussions avec les collègues sur la question du sens. Quel sens on a à faire ce métier quand, d'une part, les résultats qu'on produit ne sont que très peu utilisés pour faire des changements concrets dans la société, et d'autre part, quand on s'applique pas à nous-mêmes les impératifs de transition. Donc les chercheurs ont participé à produire les résultats qui font prendre conscience au monde entier qu'il y a un problème. Ils se doivent de réfléchir eux aussi maintenant à l'impact. Exactement. Olivier Bernet, qu'est-ce qui vous a motivé alors dans la création de ce collectif ? C'est ce que disait Tamara, il y a cette question du sens, et ce qu'on a réalisé en discutant de cette question avec les collègues autour de nous, très vite, c'est qu'on était assez nombreux à se poser cette question, et ça appelait à savoir combien on était réellement, et si éventuellement on pouvait faire quelque chose ensemble, collectivement. Et donc on a créé ce collectif avec une volonté très simple au départ, c'est celle de savoir combien on était à se poser cette question, et si ensemble on allait pouvoir faire quelque chose. Alors vous êtes nombreux ? Alors actuellement, donc le collectif a été lancé seulement hier, officiellement, et on a déjà 400 collègues qui nous ont contactés. C'est pas mal. Tamara Benhari, est-ce qu'il existe des chiffres qui permettent de mesurer le poids spécifique de la recherche dans le bilan carbone de notre pays ? Alors, en effet, il y a une ligne dans la comptabilité nationale sur la recherche. On pourrait faire les calculs, on va les faire d'ailleurs dans le collectif. Ouais. Ça doit être très complexe à faire, non, quand même ? Parce qu'il faut prendre plein de paramètres en... Il y a les émissions directes, il y a les émissions indirectes. Donc, on peut définir un périmètre, faire un calcul et renseigner les incertitudes. Mm-hmm. Mais le poids de la recherche dans ce bilan total, comparé aux autres secteurs, étant donné qu'on pèse très très peu en termes de PIB, sera forcément petit. Donc, pour nous, la motivation, elle est plus symbolique aussi. De par... notre exemplarité la crédibilité qu'on peut gagner à mettre en cohérence nos pratiques avec les résultats de la recherche. Donc Olivier Bernet, il y a des réflexions à mener, puisque c'est la première chose à faire selon vous, c'est ce que vous proposez à ceux qui rejoignent le collectif, c'est quantifier et chiffrer cet impact. Oui, mais effectivement, il y a une partie chiffrage qui sera importante, parce que c'est quand même toujours important, en particulier en tant que scientifique, de savoir de quoi on parle. Mais en réalité, c'est ce que Tamara disait, peut-être le plus important, ce lien de confiance qu'il y a entre science et société, il repose en partie sur notre capacité à être cohérent et à être exemplaire, c'est-à-dire quand on dit attention, il y a un risque, aussi transformer nos pratiques, y compris dans la recherche, pour que on prenne en compte ce risque. Alors Olivier Bernet, quelles sont les facettes de votre métier ou du fonctionnement d'un labo pour lesquelles des efforts sont possibles rapidement selon vous ? Alors un des postes d'émission qui est assez évident, c'est celui des transports, en particulier des transports associés aux missions scientifiques, que ce soit des missions de terrain ou que ce soit des missions pour aller à des conférences internationales ou européennes. Donc il y a une part importante, ça c'est certain, des émissions associées à ces moyens de transport, en particulier l'avion, qui sont, on pense, qu'on doit pouvoir limiter de manière assez facile. Ouais, Axel Kahn, vous allez mettre tout le monde à la marche alors finalement, non ? Oui, c'est une solution merveilleuse. Mais effectivement, quand on va faire une conférence internationale, un congrès à Sao Paulo et que l'on est toulousain ou parisien, la marche va prendre beaucoup de temps. Il n'en resterait pas beaucoup pour faire de la recherche. Et donc, il faudra trouver un compromis. Ouais. Tamara Benari, vous Absolument. Avez un chiffre qui montre que les chercheurs voyagent plus que les autres professions ? Alors les chercheurs voyagent beaucoup et au sein du collectif, donc de façon spontanée, il y a des chercheurs qui ont commencé à faire les calculs. Ouais. Comme je vous disais, il y a des grandes incertitudes qui sont associées à ces calculs, mais ce qu'on sait, c'est que les émissions de CO2 d'un scientifique en moyenne sont supérieures à celles rapportées en français et que la plupart de ces émissions sont liées au transport. Est-ce qu'il existe déjà des labos en France qui ont mis en place des mesures concrètes pour faire baisser leur impact carbone, leur impact sur l'environnement ? Il y a des réflexions qui sont menées, mais des mesures à l'échelle de labo, je ne sais pas, pas encore. Mais ça sera le cas rapidement, Catherine Bourguin, vous allez réfléchir à cette question ? Ça vous intéresse ? Ah, complètement, moi déjà... L'éthique environnementale, on pourrait presque dire des choses comme ça. C'est un enjeu fondamental. J'ai deux choses. Ça fait effectivement plusieurs années que j'ai entamé moi-même cette réflexion sur faut-il partir pour 2 jours à Sao Paulo, finalement ? Est-ce que c'est si nécessaire que ça ? Et de fait, je me suis rendu compte que je pouvais travailler dessus. J'ai diminué mes trajets. Et la deuxième réflexion, je pense aussi que ce travail-là doit nous mener en tant que chercheurs à réfléchir sur la responsabilité des recherches auxquelles on participe. Quelle est la contribution de cette recherche ? En quoi cette recherche produit des technologies potentiellement ou des formes d'organisation collective qui sont elles-mêmes consommatrices de carbone ? Olivier Bernet, pour terminer, quel serait l'avenir idéal pour vous, pour le collectif qui a un jour, on le rappelle, comment est-ce que vous imaginez la suite ? Alors, la suite, je suis désolé, je vais être très pragmatique pour commencer, mais la suite, c'est simplement déjà de mettre les gens en réseau, que les collègues puissent discuter entre eux, échanger des informations pour essayer d'avancer sur cette question. Et finalement, ça, c'est aussi, derrière, il y a l'horizon de créer une nouvelle forme de recherche. Axel Kahn disait tout à l'heure, et comment on va faire pour aller à Sao Paulo si on doit y aller à pied, il ne restera plus beaucoup de temps pour la recherche. Je pense que ça appelle aussi à une nouvelle définition de ce qu'est le fonctionnement de la recherche scientifique. Et donc cet horizon-là, on va essayer de le définir ensemble et collectivement. Et pour ça, il faut qu'on vous rejoigne. Donc on va donner le site pour vous trouver. C'est labo avec un S, un point en toutes lettres, 5 et point org. Et parmi les signataires, il y a Valérie Masson-Delmotte, évidemment. Tout à fait. Et Céline Guivarch, qui fait partie du Haut Conseil. Et ça paraît logique de la retrouver dans les signataires. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux. Bravo pour votre initiative et l'élan que vous allez donner. En tout cas, on l'espère. Axel, merci. À demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le nombre de femmes qui vivent à plus de 45 minutes d'une maternité a doublé en France en 20 ans. Ce chiffre nous vient d'une enquête publiée par nos confrères du journal Le Monde, réalisée par le géographe Emmanuel Vigneron. Alors que démarrent à l'Assemblée les débats autour des hôpitaux de proximité, un des volets de la loi santé, on apprend que la France a perdu 40% de ses maternités donc en 20 ans. L'auteur résume ses travaux ainsi. Il y a des endroits où l'éloignement devient trop grand pour être supportable, ce qui condamne les territoires à une mort lente. Une enquête à lire sur lemonde.fr. En 2050, l'hiver australien ne sera plus. Une équipe de scientifiques a voulu construire un outil prospectif et grand public pour prédire le climat de différentes régions du continent australien dans 30 ans. Et en compilant les résultats obtenus avec le Bureau national de météorologie, ils se sont rendus compte que le cours des saisons connues actuellement serait complètement bouleversé. À l'inverse, les étés seront beaucoup plus longs et beaucoup plus chauds, avec des températures qui culmineront au-dessus des 40 degrés pendant de longues périodes. Et puis pour terminer, un criquet qui aime la lave. L'année dernière, le volcan Kilauea entrer en éruption et déverser d'énormes quantités de lave sur l'est de l'île d'Hawaï. Les coulées à peine refroidies, voici la vie qui revient. Et selon les biologistes locaux, c'est un tout petit criquet jaune transparent nommé Coco Nemobius ou Onini Nene Pele en hawaïen, qui est le premier à revenir sur les lieux. La raison pour laquelle cet insecte aime la lave tiède et comment il survit dessus sont encore très mal connues, mais les études sont en cours et c'est ce que nous promettent en tout cas les scientifiques sur place. L'éthique et la science, dossier dans un instant. Will I Get Off Easy, Lee Fields and the Expressions. La tête au carré sur France Inter. Allez, l'éthique en science, ça veut dire quoi? Est-ce nécessaire? Comment en débattre avec la société dossier de l'émission cet après-midi avec les généticiens Catherine Bourguin et Axel Kahn? Catherine Bourguin, vous êtes chargée de recherche INSERM au CERMES. C'est le centre de recherche médecine, sciences, société et vous êtes membre du comité d'éthique de l'INSERM. Et puis Axel Kahn, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique assez longtemps d'ailleurs, entre 92 et 2004. Oui, aussi longtemps que la loi me le permettait. Et vous publiez l'éthique dans tous ses états. C'est un dialogue avec Denis Laffey aux éditions de l'Aube et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. Qu'est-ce que d'ailleurs, Axel Kahn, vous retenez de toutes ces années passées au comité consultatif national d'éthique? De quoi on y parle et qu'est-ce qui finalement a marqué, vous, les années où vous y étiez? Alors, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. J'ai commencé par les côtés négatifs. Je vous l'ai dit qu'il y a bientôt 40 ans que je suis dans ces questions-là, puisque j'ai mené avec Noël Lenoir les premières auditions de préparation de la première loi de bioéthique et j'étais commissaire du gouvernement pour la discussion de cette première loi de bioéthique. Lorsque aujourd'hui, on discute comme cela à la radio ou ailleurs de questions telles que la fin de vie ou bien encore telles que l'embryon, le statut de l'embryon, la recherche sur l'embryon, des fois j'ai l'impression que l'on pourrait biffer d'un trait 35 années de ma vie et continuer dans exactement le même ton des discussions et des débats. C'est-à-dire que pour l'essentiel, l'abord de certaines questions n'a pas changé d'un poil depuis 35 ans, 37 ans, 38 ans que j'y suis mêlé. D'un autre côté, évidemment, énormément de pouvoirs nouveaux ont été conquis grâce à la science, grâce à la technique. Et donc, à ces questions qui ne sont pas résolues, se sont surajoutées des questions nouvelles. Des fois, j'ai un petit malaise, parce que la crispation sur des questions extrêmement anciennes, qui n'étant pas résolues depuis 35 ans, ne vont pas l'être aujourd'hui. Quoi par exemple? Donnez-nous un exemple, Axel Kahn. Par exemple, l'embryon. Ouais. Par exemple, la fin de vie. Évidemment, il y a toujours des personnes qui vont se disputer sur ce qu'est la dignité, le droit à mourir dans la dignité, quelle est l'action à avoir face à une personne qui demande à mourir, etc. etc. Et ça, c'est parce que, de manière intrinsèque, les opinions sont différentes, les références sont différentes. Donc, ça ne peut pas évoluer. Et ça amène parfois, si vous voulez, à ne pas accorder assez de poids à des questions émergentes qui, elles, sont de loin les questions les plus importantes pour l'avenir. Les deux questions émergentes, d'ailleurs, qui sont tout à fait liées, c'est certainement tout ce qui est autour des neurosciences et à l'interface entre les neurosciences et l'intelligence artificielle. Cette interface est extrêmement active. Et deuxièmement, et c'est également dans le même domaine, parce que cela procède de la vision du transhumanisme, ce qui concerne la mobilisation de ces techniques, aussi bien informatiques, intelligence artificielle que biologiques, pour essayer de faire apparaître des lignages améliorés. Bon. Voilà, ça sont les questions qui sont les plus importantes. Ouais. Alors, et les points positifs, alors quand même par rapport à un comité d'éthique? Alors, les points positifs, c'est que, évidemment, on a beaucoup travaillé. Il y a des domaines, j'étais avec un collègue de l'INRA, vous n'avez pas dit, je suis aussi actuellement le président du comité d'éthique de l'INRA, IFREMER, CIRAD, IRD, etc. Et donc, récemment, nous avons rendu un avis, et ça, j'étais très heureux d'entendre la collègue INRA dire combien elle s'engageait, afin que l'on puisse prendre en compte la dimension éthique des grandes conventions internationales sur le développement durable et sur le climat. Et ça, vous voyez, c'était extraordinaire. Ils y ont été. Et cette prise en considération, la durabilité, c'est quelque chose d'important. La prise en considération de la sensibilité animale dans l'expérimentation, c'est un vrai progrès de la sagesse humaine. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Voilà, vous me demandez des domaines où on peut parler de progrès moral. Eh bien, là, il y a un progrès moral. Catherine Bourguin, un comité d'éthique comme celui de l'INSERM, comment ça fonctionne alors exactement? Parce qu'on est, un peu extérieur à tout ça finalement, hein, quand on est simple citoyen. Exactement, mais en fait, quand on a commencé à travailler dans cette version actuelle du comité, on s'est reposé ces questions. On n'est pas le comité national d'éthique, on est le comité d'éthique de l'INSERM, donc d'un institut public de recherche scientifique et médicale en santé. Et la position qui a été la nôtre, c'était d'essayer vraiment de partir des questions qui se posent pour les chercheurs de l'institut. Donc, ça va être travailler sur les conditions de la recherche sur l'embryon ou sur les cellules embryonnaires. Ça va être travailler sur les questions de genre et santé. comment dans nos recherches ces questions peuvent travailler. Mmh. Voilà, actuellement on travaille dans un groupe sur les enjeux autour de l'innovation, les enjeux éthiques de l'innovation. Hein. Ce qui nous a mis en mouvement par exemple, c'était ces débats sur l'explosion du coût de certains médicaments. Et de là, en tirant les fils, comment ces questions-là peuvent ou pas interroger les chercheurs au moment de la production des savoirs sur comment on réfléchit aux enjeux de société qui travaillent aussi nos recherches. Est-ce que la société peut réfléchir aussi avec vous en même temps ou pas? Alors, l'idée du comité d'éthique de l'INSERM, c'est un comité pour les chercheurs, pour les questionnements de l'Institut. Mais de façon évidente, ces questions-là, souvent, sont des questions qui requièrent la position, la réflexion, la co-construction de la réflexion éthique à une échelle plus large qui inclut les citoyennes et les citoyens. Mais... Et ça peut se faire dans d'autres dispositifs. Alors c'est ça, de quelle façon ça peut tomber dans le débat public finalement? Alors par exemple, pour les états généraux de la bioéthique, il y a eu toute une série de consultations. Ouais. Et à ce propos, je voulais revenir pour insister sur ce que vient de dire Axel Kahn, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les deux questions qu'on fait beaucoup débat... Sont des vieilles questions. Sont des vieilles questions, enfin, qui peuvent changer, dont l'actualité change, mais sur l'accès à la PMA, sur la fin de vie, mais sur des questions plus émergentes, sur la place des technologies dans nos sociétés, il y a eu peu de débats. Ouais. Alors, un sujet d'actualité dont tout le monde a entendu parler, c'était donc ces fameux bébés OGM jumelles chinoises. Loulou, Nana. Voilà, génétiquement modifiés, c'est bien effectivement de leur donner un prénom. C'est leur vrai prénom. Oui, absolument. Pour résister au virus du sida. L'annonce a été faite en novembre, elle a soulevé l'indignation. On écoute un extrait des actus. C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Ce chercheur chinois annonce la naissance de deux bébés génétiquement modifiés. Deux belles petites filles chinoises appelées Loulou et Nana sont venues au monde en bonne santé, comme tout autre bébé. Aucune preuve, aucune image des fillettes n'a été dévoilée. Mais à l'en croire, il aurait réussi à rendre ces bébés nés d'un père séropositif résistant au virus du sida. C'est sur les embryons que le scientifique aurait agi. L'ADN a pu être modifié par la technique dite des ciseaux génétiques. On enlève la partie indésirable du génome. Dans ce cas précis, cette manipulation repousserait à jamais le VIH. À ce jour, en France comme en Chine, la manipulation génétique sur l'homme est interdite. Alors, plusieurs questions évidemment autour de cette actualité. Est-ce que d'abord, Catherine Bourguin, une limite a été franchie avec l'exemple de ces deux petites jumelles? De façon évidente. C'est la première fois, en tout cas, déclarée qu'un enfant génétiquement modifié, que deux filles génétiquement modifiées voient le jour dans le monde. Ouais. Axel Kahn, il y a des choses qui ont changé depuis déjà l'annonce de novembre? Oui, l'affaire s'est beaucoup compliquée. D'abord, le scientifique chinois qui a fait cela, il est en prison. Oui, absolument. Les autorités chinoises n'ont pas molli parce que, incontestablement, leur réputation est mise en cause. Ouais. Premièrement, tout le monde maintenant convient de ce que l'alibi qui a été donné par notre confrère Zhang Kui, le scientifique chinois, pour réaliser cette manipulation, n'était pas recevable. Il a dit il faut les protéger contre le virus du sida et leur père est séropositif. Or, aujourd'hui, les techniques couramment utilisées permettent à des hommes séropositifs de ne pas contaminer leur conjointe et d'avoir des enfants sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est affreux à dire, mais le seul risque pour ces filles eût été que leur père les violât, à vrai dire, car ça reste une maladie sexuellement transmissible. Donc, c'est une affaire extrêmement scabreuse. Par ailleurs, et c'est surtout ça qui a totalement modifié. On est en plein dans l'optique du transhumanisme. Le transhumanisme, vieille histoire, vieille pensée très forte, c'est un courant extrêmement actif aujourd'hui, a pour but de faire apparaître des lignages d'hommes ayant de nouvelles propriétés génétiquement transmissibles améliorées. Et parmi ces propriétés, il y en a trois que l'on met en avant. Il y a l'augmentation de l'intelligence, il y a l'immortalité et il y a la résistance à des maladies. Au départ, avec Nana et Loulou, c'est la résistance aux maladies. Et donc, Nana et Loulou sont les deux premières petite fille qui répondent à ce projet de transhumanisme. Mais en réalité, on s'est rendu compte depuis, c'est sans des travaux qui datent de 2016, que les gènes qui ont été modifiés pour empêcher l'entrée du virus du sida, le gène CRISPR qui code pour un récepteur de chémokine, il est également, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est impliqué d'après des expérimentations sur la souris et même des études génétiques chez des écoliers, il est impliqué dans l'habileté mentale, dans la mémoire chez la souris, dans peut-être la réussite scolaire d'après des études génétiques, et donc peut-être, et on ne sait pas si John Quay connaissait ses travaux, à mon avis il les connaissait naturellement, il avait derrière la tête, en plus, de faire apparaître les deux premières transhumaines, résistant soi-disant à des maladies, une seule résiste. Après, on pourrait revenir à ce point parce que ça montre combien on a raison de signer un moratoire. Et d'autre part, peut-être, une modification dont il pourrait espérer que cela augmente, entre guillemets, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais leur intelligence. Alors, Catherine Bourguin, ce moratoire justement auquel fait allusion Axel Kahn, que vous avez signé avec 18 experts de 7 pays la semaine dernière dans Nature, vous demandez 5 ans justement, hein, 5 ans pour ne pas utiliser justement ces techniques d'édition du génome humain à des fins reproductives. Ça, c'est une suspension temporaire. Qu'est-ce que ça représente finalement ces 5 ans-là ? Par rapport à un exemple comme celui de ces jumelles OGM. C'est, je pense, avant tout une dimension symbolique qui est qu'on réaffirme une interdiction. Parce qu'il faut savoir que la modification héritable du génome humain n'est pas interdite aujourd'hui dans tous les pays. Elle est interdite en France, elle est interdite pour tous les pays qui ont signé la convention d'Oviedo, mais ce n'est pas le cas des États-Unis et ce n'est pas le cas de la Chine. Si on prend le cas des États-Unis, c'est interdit pour les travaux qui reçoivent des financements de l'État fédéral. Mais une entreprise privée peut faire ça légalement sur le territoire. Donc déjà, hein, c'est cette ambition de déclarer que, quoi qu'il advienne, il faut prendre le temps pour réfléchir. On a besoin de temps pour encadrer, pour mettre en place des règlements internationaux, et que ces 5 ans, c'est un minimum, en fait, hein, pour se donner le temps. Et l'enjeu supplémentaire, et qui est vraiment très clairement aussi dans cet appel indiqué, c'est que ces décisions ne peuvent pas procéder de la seule réflexion interne à la communauté scientifique et médicale. Que donc les enjeux justement de la société qui sont posés concernent toute la société et qu'il faut mettre en place les conditions pour évaluer si les sociétés arrivent à faire consensus ou pas sur cette modification. Hein, on peut tout à fait, comme c'est le cas en France aujourd'hui, réaffirmer que nous ne voulons pas entrer dans cette voie-là, quelles qu'en soient les conditions. Donc ça veut dire pour les chercheurs, c'est une nouvelle façon aussi de travailler, d'envisager même le rapport à leur découverte et à leur recherche, parce que si la société peut se prononcer justement ou non, ça va forcément impliquer des changements quand même. Mais quand on réfléchit en France, nous avons des lois de bioéthique, hein, donc l'activité scientifique est une activité qui est régulée par la société. Évidemment, la liberté de la recherche est quelque chose d'important, mais ce n'est pas une liberté sans contrainte. Et l'enjeu, c'est de savoir régulièrement redéfinir ce champ de contraintes dans lesquelles on travaille. Mais à partir de quand on va faire appel justement à la consultation citoyenne, Axel Kahn, alors ? À quel moment on va juger que c'est nécessaire ? De toute façon, la consultation citoyenne est toujours nécessaire. Il faut bien se rendre compte que nous sommes dans un État laïque où il y a des gens qui croient au ciel, qui n'y croient pas, qui ont des représentants au Parlement, etc. Et comme il n'y a pas une religion d'État, il n'y a pas un comité qui serait considéré comme le comité des clercs disant la religion de l'État. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de considération supérieure au jeu de la démocratie pour dire, dans une société plurielle et démocratique comme la nôtre, ce que les citoyens considèrent comme étant légitime ou illégitime d'un point de vue éthique. Mais ce que font les comités d'éthique, évidemment, c'est permettre instruire le débat public. Alors et là, il y a un va-et-vient. Oui, parce que de quelle façon on est formé en tant que citoyen pour pouvoir donner son avis ? Eh bien, la manière dont on est formé, c'est grâce à ce que l'on essaye de faire, ma collègue, moi-même, depuis si longtemps, c'est-à-dire nous-mêmes, on consacre peut-être un peu plus de temps que les autres pour y réfléchir, mais pas en cercle fermé. Toujours dans le dialogue, toujours dans l'aller-retour. Et les états généraux de la bioéthique, en réalité, ne sont qu'une amplification d'un phénomène qui est au cœur de la démarche éthique. Dans un état démocratique laïque, il n'y a pas de valeur supérieure à celle d'expression de la démocratie pour indiquer ce qui est légitime ou pas, mais il faut éclairer la décision, les comités d'éthique et la population aboutissent à cet éclairage de la décision. Voilà quel est le mécanisme. Alors, les états généraux de la bioéthique, est-ce que vous êtes satisfaite des résultats donnés après justement ces débats, ces consultations citoyennes ? Est-ce que finalement, au bout du compte, on tient compte de l'avis du public, du grand public ? Alors, moi, je pense qu'il y a un réel effort qui a été fait cette année pour réaliser de nombreux débats, pour avoir des procédures ad hoc, comme ces jurys citoyens. Mais je pense aussi que malgré les efforts, cette expérience a montré combien c'est compliqué de faire émerger des points de vue de citoyens qui ne sont pas forcément des experts, en tenant compte des éclairages qui peuvent être disponibles, mais par différentes personnes. Et de fait, moi, j'ai trouvé que on avait beaucoup recueilli des avis préexistants et que ce moment des états généraux n'avait pas suffisamment permis de faire émerger une compréhension, une vision des choses et des enjeux qui soient à la hauteur des enjeux éthiques autour des sciences. Donc, il y a encore un petit problème sur la méthode, finalement. La méthode est à affiner de façon certaine. Vous êtes d'accord avec Salkan, avec ça? Oui, mais il y a des difficultés qu'on n'arrivera jamais totalement à surmonter. Qui dit débat, naturellement, dit volontarisme de l'engagement dans le débat. Et sur certains sujets, et nous savions que cela allait advenir, il y a des groupes de pression extrêmement importants qui sont mobilisés, d'ailleurs, ils ont bien le droit d'être mobilisés, c'est tout à fait honorable, depuis très longtemps dans un combat qui leur tient à cœur. Mmh. Et la raison pour laquelle la fin de vie et la procréation ont été tellement discutés, c'est que naturellement des groupes de pression connus extrêmement anciens s'y sont engagés corps et âme. Et ça, on peut pas l'éviter naturellement. On va écouter un autre son d'archives. 1982, c'est la naissance d'Amandine, premier bébé français né par fécondation in vitro. Jacques Testard, vous allez l'entendre et vous le connaissez bien, Catherine Bourguin, on l'entend dans cet extrait. La science a-t-elle des limites? Qui doit fixer ses limites à la science? Et au nom de quelles valeurs peut-on fixer ses limites à la science? Quel droit? Quelle morale? Quelle éthique? Trois mots. Pourquoi? À cause de ce visage, celui d'Amandine, née le 27 février dernier. Les hommes qui l'ont aidé à venir au monde sont là, parmi vous ce soir, parce qu'ils estiment que la biologie va si vite et si fort qu'elle ne peut être laissée aux seuls scientifiques. Il y a le professeur agrégé René Friedman, l'accoucheur, monsieur Jacques Testard, docteur et sciences, biologie, responsable de la fécondation en éprouvette. Dorénavant, ce genre de technique, ça ne vous pose pas de problèmes moraux particuliers, monsieur Testard? Non, s'il s'agit de la fécondation in vitro pratiquée à l'intérieur d'un couple avec les spermatozoïdes d'un homme et l'ovule de sa femme, d'ailleurs qu'il soit marié ou non, ça ne nous pose pas de problème, nous croyons qu'il n'y a pas de problème éthique. Simplement, je crois qu'on va en parler, c'est que très vite, il y a de nouvelles techniques qui peuvent venir s'ajouter à celles-là et qui, cette fois, peuvent poser problème. Voilà, René Friedman et Jacques Testard donc sur ce plateau. Il y avait même un curé, d'ailleurs, un prêtre qui était présent justement pour débattre de ça. Quand on revient justement en 1982 autour de cette question, est-ce que finalement, on peut faire un point de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui avec ces jumelles OGM ou pas du tout, Axel Kahn? Non, on ne le peut pas. D'abord, simplement, point d'histoire, c'est la naissance d'Amandine qui a poussé François Mitterrand à créer le Comité consultatif national d'éthique un an après, en 1983. François Mitterrand a dit « Cette affaire est tellement extraordinaire qu'il y a un risque important que la science évolue beaucoup plus vite que la société. Et il faut qu'il y ait un médiateur entre les deux, en quelque sorte, ce seront les comités d'éthique. » Donc, c'est vraiment très très important. Alors, maintenant, pour répondre directement à votre question, on ne peut pas comparer avec Nana et Loulou, parce que en réalité, c'est une solution à une difficulté mécanique qui a été utilisée là. Le câlin sous la couette n'aboutissait pas dans ce cas-là à la fécondation d'une femme par un homme, mais in fine, ce sont les gamètes de la femme qui ont été mis au contact des spermatozoïdes de l'homme, et c'est tout à fait l'équivalent de ce qui se passe dans l'étreinte amoureuse. Il n'y a pas le désir d'une modification en fonction de ses fantasmes, de ce que l'on veut d'un lignage à naître. Donc il y a une très très grande différence. Catherine Bourguin. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais j'ajouterais quand même que c'est quand même une étape dans la médicalisation de notre rapport à la procréation. C'est vrai. Et d'une certaine façon, l'expérience de naissance de Loulou et Nana va beaucoup plus loin, mais est d'autant plus faisable pour certaines personnes qu'il y a déjà une partie de la reproduction, de la procréation humaine qui est entre les mains de médecins et de biologistes. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant que ces techniques s'envolent. Donc il y a une forme de lien, je ne dirais pas qu'il y a continuité, mais il y a des enjeux qui parcourent de façon... Amandine, c'était dans la continuité de la lutte contre la stérilité. Voilà. Il est certain que Nana et Loulou, c'est dans la discontinuité totale. On se retrouve dans un instant, des messages pour vous des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, on parle éthique et science. Thank you. pensent les tchèques? Quand ils pensent à quelque chose, pensent-ils comme des tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Jolie dame dans le tram, jolie parapluie. Êtes-vous déjà une madame ou bien une petite fille? À quoi pensent les tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Vieux monsieur aux yeux si bleus, vieil imperméable, est-ce que Prague est à vos voeux ou bien insupportable? À quoi pensent les tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Jeune garçon aux yeux si clairs, vas-tu à l'école? Vas-tu voir ton grand-père ou bois-tu son alcool? Vous avez bien sûr reconnu sa voix avec les Tchèques. La tête au carré, Mathieu Vidard. Ils sont généticiens Axel Kahn et Catherine Bourguin avec nous cet après-midi, parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour de l'éthique scientifique cette semaine, ces derniers jours. Axel Kahn qui publie d'ailleurs L'éthique dans tous ses états, c'est un dialogue avec Denis Laffey, avec des thèmes que vous avez choisis, puisqu'effectivement certains, vous n'avez plus envie de les aborder, Axel Kahn. Moi je me souviens les premières têtes au carré qu'on a fait avec vous, il y a plus de 10 ans maintenant, à chaque fois que vous veniez, on vous interrogeait sur le clonage par exemple. Voilà. Hein. Alors ça, ras-le-bol du clonage. Ras-le-bol. Je dirais ras-le-pompon, le clonage. Mais même l'embryon. Mais depuis que vous n'en parlez plus, on n'en entend plus parler d'ailleurs. Non mais ça, c'est je vous disais ce qu'on appelle le clonage thérapeutique, ouais. C'est une extraordinaire mystification. Hein. J'ai dit cela, je ne me suis pas fait bien voir par mes collègues en l'occurrence, mais bon, très bien. Plus personne n'en parle parce que c'était effectivement une gigantesque mystification et on a d'autres méthodes pour aboutir plus facilement avec moins de d'interrogations éthiques à peu près au même résultat qui est de pouvoir faire de la thérapie cellulaire avec des cellules tolérées d'un point de vue immunologique. Voilà, Axel Kahn, l'embryon ras le pompon, jeudi 21 mars 2018 dans la tête au carré. Les questions des auditeurs. Guillaume nous dit ceci, ne peut-on pas dire que l'éthique est un frein au progrès lorsque l'on sait à quel point la recherche sur le corps humain sont condamnables en médecine, Catherine Bourguin, qu'est-ce que vous... L'éthique est un frein. L'éthique est un frein au progrès, ouais. En fait, toute la question est qu'est-ce qu'on appelle le progrès ? Est-ce que c'est le progrès des technologies, quelles qu'en soient les conséquences sur la société ? Ou est-ce que c'est le progrès du bien-être du plus grand nombre dans nos sociétés de façon égalitaire ? Moi, il me semble qu'au contraire, étant donné les impacts de toutes ces technologies et toutes ces technosciences sur nos vies, sur nos sociétés, sur les mondes dans lesquels on vit, réfléchir à des enjeux de façon plus générale est au contraire une condition pour mettre ces technologies au service du progrès humain. Mais c'est compliqué quand même, parce que aller faire un micro-trottoir dans la rue, interroger les gens sur CRISPR-Cas9, hein, qui connaît CRISPR-Cas9, qui est capable d'expliquer ça, à part vraiment des personnes travaillant quasiment dans ce domaine, c'est quand même extrêmement compliqué, Axel Kahn, non ? C'est compliqué d'expliquer exactement comment marche CRISPR-Cas9 et même les deux femmes qui l'ont inventé, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, ne seraient pas beaucoup plus habiles que nous à le faire avec des gens au cours d'un micro-trottoir. En revanche, dire aux gens, vous savez, on a fait des progrès et aujourd'hui, on peut presque, en faisant des erreurs, on va y revenir à propos de Nana et Loulou peut-être, on peut presque réécrire des petits morceaux de génome et donc changer des caractères héréditaires. Mmh. On peut peut-être le faire pour guérir des maladies et on est tous d'accord que dans ce cas-là, ce serait bien, mais on peut peut-être le faire également pour changer les propriétés des lignages. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez ? On va pas rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous, vous vous engageriez dans cette manière-là? Eh bien, je vais vous dire, Mathieu Vidard, je fais des conférences, comme vous savez, partout en France et dans le monde. Les gens, ils sont totalement capables de discuter cette question-là. On en totalement pas, capable. Bien sûr, ouais. Alors, Antoine dit, de quels moyens de contrôle réels le comité d'éthique et l'OMS disposent-ils face à des personnes qui, justement, ont des moyens financiers leur permettant d'avoir recours à l'eugénisme en finançant des recherches privées? Catherine Bourguin. Cette question est fondamentale. Cette question est fondamentale, les questions des moyens de faire respecter la règle. Elle se pose pour toute question, pas seulement pour les questions éthiques. Et de fait, c'est vrai que les moyens dont on dispose sont souvent importants, je cherche mon mot. Mais moi, je pense que il y a des enjeux de placement moral. C'est-à-dire que les scientifiques ont une certaine vision aussi de leur travail et que le fait d'appeler à des moratoires, le fait d'appeler à des réflexions ouvertes, ça contribue aussi à forger la conscience professionnelle, le sens de la responsabilité que peuvent avoir les collègues qui travaillent sur ces questions aujourd'hui. Ouais. Donc, vont de pair des prises de parole, des réflexions, des discussions sur les enjeux sociétaux qui sont à l'œuvre derrière, pour permettre aux collègues de prendre le recul et qu'il y ait un bien et un mal schématiquement qui soit socialement exposé sur ces questions-là. Ouais. Et que ensuite, évidemment, il faut des moyens à mettre à disposition, mais il faut pas être naïf, la société n'a pas tant d'argent que ça à mettre pour courir derrière chaque chercheur. Ouais. Alors justement, cette distinction entre la recherche privée et la recherche publique, Axel Kahn, et les différences de financement. Hein. Il y a des différences de financement, mais je voudrais appuyer ce que dit Catherine à ce point. Et peut-être faire la différence entre l'objet d'un moratoire type celui auquel viennent d'appeler les signataires dans Nature, et un avis sur un grand problème éthique. Dans le cas de ce qu'on appelle l'édition de précision des génomes et la modification génétique des embryons, Nana et Loulou nous donnent des indications très intéressantes. Donc, effectivement, cette méthode a été utilisée et effectivement, Loulou a les deux gènes qui codent pour ce récepteur, ce CR5, qui ont été cassés. Mais quand on regarde dans le détail, on a désactivé un gène. On les a cassés, une mutation. On les a coupés avec une paire de ciseaux moléculaires. On les a coupés comme une mutation qui fait disparaître un gène et entraîne une maladie. Mais simplement, on sait parce que on l'a trouvé chez des femmes prostituées africaines qui, malgré leur métier, n'étaient pas infectées par le virus du SIDA, ce qui était totalement invraisemblable. Et si elle n'était pas infectée, c'est qu'elle avait spontanément une délétion de ce gène et elle ne synthétisait pas cette molécule. Et donc, on a essayé de faire ce que l'on a dépisté chez des femmes prostituées africaines. Mais simplement, chez Loulou, où ça a été réussi, quand on regarde, c'est un bricolage. C'est-à-dire que les modifications inactivatrices, vous savez, tous nos gènes sont en double. L'un vient de maman et l'autre vient de papa. Et donc, les modifications inactivatrices du gène de papa et celles inactivatrices du gène de maman, c'est pas les mêmes. Ouais. Et quand on regarde sa sœur jumelle maintenant, Nana continue d'être sensible, éventuellement, à une infection par le virus du sida, car un seul des deux gènes a été inactivé. Et donc, on est loin, aujourd'hui, de pouvoir réécrire sans faute d'orthographe. Et compte tenu de toutes ces incertitudes, il y en a d'autres. Naturellement, quoi que l'on pense, même du transhumanisme, il est urgent de décider d'un moratoire pour faire le point de la sécurité avec laquelle on peut avancer. L'autre question maintenant qui va être posée, c'est si jamais on peut avancer avec une très grande sécurité, tout le monde est d'accord que s'il y a une indication, il faut l'utiliser à la place du transfert de gènes pour les thérapies géniques, pour des maladies génétiques. Mais faut-il l'utiliser pour changer le lignage de familles qui vont naître en conférant des traits avantageux. C'est ça qui est important. Pour revenir à un point entre l'efficacité d'un moratoire. L'essentiel tout de même de la recherche dans ces domaines, c'est une recherche qui est faite dans le public. Il y a quand même une question de morale aussi au niveau des deux sœurs, parce que si l'une bénéficie de cette technique et l'autre pas, justement, on peut aussi se poser des questions. Moi, je crois qu'aucune d'entre elles ne va bénéficier de la technique de toute façon. Dans ce point de vue-là, celle qui a bénéficié de la technique sera peut-être désavantagée même par rapport à sa sœur aussi. On est totalement dans l'incertitude. Je ne vais pas m'avancer, mais en réalité, ce qu'a fait cet homme-là est une très grande stupidité. C'est profondément absurde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, en désactivant un gène ou en utilisant cette paire de ciseaux moléculaires, on va contre l'évolution des choses. C'est ça. Et ce qu'il faut bien considérer, c'est que si ce gène, il est là, et si on est 98% à l'avoir, c'est que l'évolution l'a conservé. Mmh. Et en général, l'évolution conserve des gènes et permet à des gènes de fonctionner parce qu'ils remplissent un rôle qui confère un avantage. Et donc, il y a tout de même, évidemment, une incertitude sur l'effet à long terme dans un lignage de l'inactivation de ces gènes, c'est sûr. Alors, Catherine Bourdin. Oui, je voulais rajouter un point, c'est qu'en fait, dans les nouveautés autour de ce cas, il y a aussi le fait qu'on s'est rendu compte que toute une série de scientifiques, notamment américains, étaient au courant des travaux qui étaient en cours et on laissait faire, dont au moins un prix Nobel, et qui pour certains, pour la plupart, travaillent dans des grandes universités reconnues. Donc s'il y a un moratoire sur ces modifications, ces scientifiques-là arrêteront de travailler dans ces domaines-là. Et donc il y a aussi un effet de balancier qui peut jouer, c'est-à-dire que ce développement d'initiatives privées est d'autant plus développé qu'il y a une reconnaissance académique qui est possible par des pairs. S'il n'y a plus de reconnaissance académique possible, la modification devient moins intéressante, y compris d'un point de vue professionnel, de carrière professionnelle. Axel Kahn, je cite une phrase de ce livre, « Corriger des inégalités de la nature, comme par exemple dans le domaine du handicap, confère à l'emploi des technologies et au progrès de la science une évidente dimension éthique. » Alors, c'est ça qu'on a du mal à comprendre finalement, c'est qu'on peut l'utiliser pour de bonnes ou de mauvaises raisons aussi. Alors ça, c'est le point fondamental que je vais mettre en avant dans le débat sur la légitimité du transhumanisme. Admettons qu'on arrive à maîtriser parfaitement la technique, voilà. Et la question c'est, maintenant on le maîtrise, faut-il le faire ou non? Voyez-vous, moi, ma fierté d'être médecin, ma fierté de travailler sur le handicap aujourd'hui, c'est que en transformant un homme malade en homme sain, en permettant à une personne handicapée de se débrouiller aussi bien qu'une personne valide, je contrecarre des inégalités de nature. Avec le dessein du transhumanisme, j'inverse totalement la proposition. Non seulement je ne contrecarre pas des inégalités de nature, mais j'en crée des nouveaux. Je fais apparaître des inégalités de nature nouvelles. Je fais apparaître une nouvelle aristocratie. Moi, cela choque totalement, contrevient totalement aux bases sur lesquelles je fais reposer la légitimité de mon activité de scientifique. Et donc, il faut vraiment poser ce problème. Est-ce que, au stade où on en est, on va se mettre à créer des nouveaux pour certains avantagés, certains privilégiés des inégalités de nature? Alors, Catherine Bourguin, c'est toute la question de la médecine prédictive aussi, et des diagnostics qu'on peut faire bien longtemps à l'avance pour peut-être justement intervenir sur les personnes avec les outils à disposition. Médecine prédictive ou préventive d'ailleurs, on peut employer les deux mots. Quand elle est préventive, c'est formidable. Mais le problème de prédiction, c'est que pour moi, c'est Madame Soleil qui prédit. Donc, je préfère prévision, médecine de prévision. Alors, cette question-là aussi, elle est très importante pour la société. Elle est d'autant plus importante que la plupart du temps, ce qu'on appelle prédiction sont effectivement des calculs de probabilité qui sont relativement incertains. Et que en conséquence, on peut facilement dire qu'on prédit quelque chose, alors qu'en fait, on sélectionne sans avoir de capacité à prédire finement. Les débats de société, justement, les rencontres avec le public, il faut absolument inciter cela, Axel Kahn, aujourd'hui. Écoutez, pour ce qui me concerne, ça fait 40 ans que je le fais plus que d'autres. Et je crois que c'est très important parce que les gens qui hésitent à le faire en disant de toute façon ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait des études, et ils ne le comprendront pas, ne voient pas que peu nombreux sont les éléments qui permettent aux citoyens de se saisir de sa motivation pour déterminer ce qu'est son libre arbitre, ce qu'est son opinion. Il faut donner les clés. C'est un enjeu de la démocratie. Ouais. Il n'y a de démocratie que si les citoyens sont capables, y compris de donner leur avis, dans les domaines qui conditionnent l'avenir, les domaines qui ont une composante scientifique et technique. Catherine Bourguin, le moratoire, on aura la réponse quand? Alors, savoir si vraiment il sera mis en place. Ah bah de toute façon, nous, on a demandé un moratoire. Hein. Ouais. On n'est pas en mesure de décréter qu'il y aura un moratoire. Justement, est-ce que vous attendez une réponse C'est une réponse, c'est une interpellation qui est faite aux autorités, elles de s'en saisir. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on continue de parler de ces questions. Merci à tous les deux. En tout cas, on aurait pu évidemment discuter pendant beaucoup plus longtemps. On peut réfléchir également à ces questions avec cet ouvrage Axel Kahn, L'éthique dans tous ses états. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci. La science grand format, en partenariat avec France 5. Perrine Poubeau, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors la Science Grand Format propose ce soir à 20h50 un documentaire en deux parties sur l'histoire de la Grande Muraille de Chine. Oui, et Mathieu, au fond, parler de la Grande Muraille, c'est explorer toute l'histoire de la Chine. C'est la colonne vertébrale de la civilisation chinoise. Comment est née cette Grande Muraille alors exactement? Sa première raison d'être était défensive. Elle servait à protéger des tribus du Nord. Sa construction s'est étalée sur plus de 2000 ans. Et ce qu'on appelle la muraille rassemble en fait plusieurs segments construit au fil du temps par les différentes dynasties qui ont régné sur la Chine. Et comment on explique sa solidité et sa longévité incroyable? Alors les briques qui étaient faites en série et le mortier conçu par la dynastie des Ming, en particulier au XIVe siècle, étaient particulièrement solides. Les ingénieurs ajoutaient un ingrédient dans le mortier entre les briques, et c'est un ingrédient très inattendu. Et c'est ce que nous révèle Zhang Benjian, qui est professeur de chimie. Il analyse la composition de ce mortier. On écoute l'extrait. Le professeur observe l'échantillon au microscope électronique et il découvre que l'amidon contenu dans le mortier provient d'un féculent très populaire dans la cuisine chinoise, le riz gluant. Ces images nous permettent de déterminer s'il y a du riz gluant ou non dans le mortier. Quand il n'y en a pas, on a de gros cristaux, donc un matériau de construction assez poreux. Mais quand il y en a, ça donne un matériau plus compact, plus imperméable, plus stable. Et ce mortier à base de riz sert aujourd'hui, Perrine, aussi aux équipes qui rénovent la muraille, car cette vieille dame chinoise fait l'objet de restaurations constantes. Oui, et la Grande Muraille, en effet, ne subit plus les assauts des envahisseurs du nord de la Chine, mais on estime ses visiteurs à 15 millions chaque année, ce qui fait plus en fait que le nombre de touristes qui visitent la Tour Eiffel et le Colisée de Rome réunis. Voilà, on va donc revisiter toute cette histoire de la construction jusqu'aux nombreux conflits qui ont eu lieu autour de cette muraille. Les enjeux, l'histoire de la Grande Muraille de Chine, c'est donc, vous l'avez dit tout à l'heure, en deux parties, et c'est à 20h50 dans la case Science Grand Format sur France 5. Merci Perrine Poubeau, à la semaine prochaine.